Oh, mes amis. Comme vous le savez, je n'écoute que rarement les informations. Et quand je les écoute, j'y crois pas. Et je m'en porte pas plus mal. C'est donc pour cette raison que je n'ai pas tenu compte des bulletins alarmistes relatifs à la santé de mon ami Yasser Arafat. Dans le coma. Pourquoi pas évanoui pendant qu'on y est. Je me suis rendu à l'hôpital militaire de Clamart pour vérifier. Ah, il est là, mon Yasser. Et comment il va? Ça m'étonne pas, vieux mouflon. Dis-moi cette histoire de coma. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De plus en plus profond, il paraît. Mais t'es bien là, mon Yasser, t'as raison, t'es tranquille, tu te détends le kéfier pendant que les autres y bossent. Petite perfusion par ici, petite transfusion par là. Ah, hé, hey, ça te gêne pas, je vais t'emprunter les toilettes. Les miennes sont bouchées. Yazouzou l'a fait tomber sa perruque dedans. Ah, j'ai essayé de la réparer, mais rien à faire. J'ai tout essayé, hein. J'ai versé du schnapps bouillant dedans, j'ai même mis la main à l'intérieur. Jusqu'au coude, fallait voir ça. J'ai l'impression d'être le gynéco de Maïté. Ah, ça te fait marrer, ça. Ah, c'est bien, mon Yasser, tu reprends du poil de la bête. Et puis, d'un seul coup, mon Christophe, la porte s'est ouverte. Une nana est rentrée dans la piole, en poussant un brancard. J'ai jeté un œil dessus pour voir qui on emmenait voir, mon pote Yasser. Qu'est-ce que tu fous là, le boche? D'où Jésus, le pape? Qu'est-ce que tu fais là, Jean-Paul? Je suis là pour une transfusion. Tu viens chercher du sang? Non, je viens en donner à Yasser. Mais ça va pas ou quoi? Ça fait 10 ans que t'as plus de sang. Tout le monde sait que c'est un mélange d'eau bénite et d'essence sans plomb qui circule dans tes veines. Ouais, ben j'ai la patate avec. C'est pour ça que je viens en donner un peu à Yasser. Et la porte s'est rouverte. Un deuxième brancard est rentré dans la chambre. Mais qui c'est cette voix? Ah! Paulus, je lui disais. Alors du coup, ça m'a foutu les jetons. Tout, sauf Paulus, comme disent les Polonaises. Oh putain, j'ai essayé de le ramener chez moi, le Yasser, pour qu'il se repose tranquille. Eh ben on m'a empêché. C'est quand j'étais presque. Ils m'ont chopé sur le parking, alors j'étais en train de l'attacher sur le porte-bagages du scooter. Quelle misère. Bon allez, au revoir.